Bouvard et Pécuchet. Livre audio gratuit. Roman de Gustave Flaubert. Lu par Ramina Grobis pour le compte de audiocité.net. Sous licence creative.commode.org.